l'Asie dite mineure est la partie occidentale de l'Asie. L'école stoïcienne prône la fermeté morale devant la douleur physique ou morale. On la résume parfois par le précepte « supporte et abstiens-toi ». Cette philosophie grecque fut répandue à Rome notamment par Épictète au 1er siècle de notre ère. Aristippe est un philosophe grec du 4e siècle avant notre ère. Nous faisions voile vers Brindisi sur la mer Ionienne. Mer vaste, violente et orageuse. Dès la première nuit, le vent cessa de souffler sur le flanc du navire et l'emplit d'eau. On se lamentait. Enfin, le jour parut. Mais la tempête et le danger ne diminuèrent point. Loin de là, les coups de vent devenus plus fréquents, un ciel noir, des masses de brouillard, des nuages effrayants que les matelots appellent trombes, menaçaient d'abîmer le navire. Il y avait là un philosophe célèbre de l'école stoïcienne. Je l'avais connu à Athènes. Il jouissait d'une grande considération et exerçait sur la jeunesse une surveillance assez sévère. Dans notre danger, au milieu du tumulte du ciel et de la mer, je le cherchais des yeux. J'étais curieux de connaître l'état de son âme et de voir s'il demeurait ferme et inébranlable. Il était calme et intrépide, pas de pleurs, pas le moindre gémissement, au milieu de la désolation générale. Seulement, sa physionomie n'était pas moins altérée que celle des autres. Enfin, le ciel s'éclaircit, le vent s'apaisa et le danger devint moins imminent. Je vis alors s'approcher du stoïcien, un grec de l'Asie mineure, opulent, entouré d'un nombreux cortège de richesses et d'esclaves, et en quelque sorte accompagné de toutes les jouissances de l'esprit et du corps. « Qu'est-ce, ô philosophe ?» lui dit-il d'un ton moqueur. « Dans le danger commun, vous avez craint et pâli. Moi, je n'ai ni craint ni pâli. » Le philosophe hésita quelque temps, ne sachant s'il convenait de lui répondre. « Si dans la violence de la tempête, répliqua-t-il enfin, j'ai paru un peu effrayé, vous n'êtes pas digne d'en apprendre la cause. Mais un disciple d'Aristippe vous répondra pour moi. Dans une circonstance semblable, un homme, en tout semblable à vous, va lui demander comment un philosophe pouvait avoir peur, quand il était lui sans crainte. C'est que, lui dit-il, nous ne sommes pas l'un et l'autre dans la même position. Tu dois être peu inquiet de l'âme d'un méchant vaurien, tandis que moi, je crains pour une âme formée à l'école d'Aristippe. Par cette répartie, le stoïcien éconduisit le riche asiatique. Plus tard, comme nous étions sur le point d'arriver à Brindisi, les vents et la mer étant tout à fait apaisés, je lui demandai la raison qu'il avait refusé de faire connaître à ce riche qu'il avait interpellé d'une manière si inconvenante. Il me répondit avec calme et douceur. « Puisque vous êtes curieux de l'apprendre, écoutez les sentiments de nos maîtres, les fondateurs de la philosophie stoïcienne, sur ce trouble, effet passager, mais invincible de la nature, ou plutôt lisez, c'est le moyen d'être plus aisément convaincu et de se souvenir mieux. » Aussitôt, il tira de son petit bagage le 5e livre des dissertations du philosophe Épictète. Voici à peu près ce que contenait le passage grec que je lus dans cet ouvrage. Les visions, appelées par les Grecs « fantasiae », « imagination », qui viennent tout d'un coup frapper l'âme et l'ébranler, ne dépendent pas de notre volonté et de notre libre arbitre. Par une force qui leur est propre, elles s'imposent à la connaissance de l'homme. Mais la réflexion qui, en acquiesçant à la sensation, nous l'a fait discerner, est un acte volontaire et libre. Ainsi, un bruit formidable dans le ciel, le fracas d'une ruine, la nouvelle subite et inattendue d'un danger, ou toute autre chose semblable, ont pour effet nécessaire d'ébranler l'âme, de la resserrer et de la faire en quelque sorte pâlir. Le sage lui-même ne saurait s'en défendre. Cet effet n'est point produit par la peur réfléchie d'un mal, mais par des mouvements rapides et involontaires qui préviennent l'usage de l'intelligence et de la raison. Mais, revenu à lui-même, le sage ne donne pas son assentiment à ses imaginations, à ses visions pleines de terreur. Il n'y acquiesce pas, il n'y consent pas, au contraire, il les écarte, il les repousse. Il ne voit rien, là, dont ils doivent avoir peur. C'est ce qui distingue le sage de l'homme vulgaire. L'homme vulgaire, dans le trouble de la première impression, a cru ces objets terribles et effrayants. Après réflexion, il les juge tels qu'ils lui ont paru d'abord. Il abonde dans sa vaine frayeur. Il acquiesce à la sensation. Le sage, après une altération passagère qui n'a fait qu'effleurer son visage, se tient fermement attaché à l'opinion qu'il a toujours eue sur ces sortes de visions. Elles n'ont rien d'effroyable. Une apparence trompeuse, une crainte vaine l'avait surpris à l'improviste. Telle était la doctrine du stoïcien Épictète, dans le livre dont j'ai parlé. J'ai cru devoir en prendre note, afin que, le cas échéant, je me garde de prendre l'effroi et la pâleur d'un moment pour le signe d'un esprit vulgaire et faible, afin aussi de m'appliquer moins à résister à un trouble passager, effet naturel de l'infirmité humaine, qu'à combattre les illusions d'une sensation trompeuse.